C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel. Voilà donc, eh bien, bienvenue à tous et à toutes si vous prenez l'écoute. Et nous sommes avec les chansons non-stop jusqu'à 10h30. Voilà. Et juste après, à partir de 30h30, c'est bien l'accordéon. I Till the end. always here to stay. You are the one who's my night and is my day. You are the one that'll never let me down. You and me, me and you, forever one and a now. You are the one that is always on my mind. You are the one that I'd never leave behind. You are the one that'll always hold my hand through the good and the worst, you and me until the end. Hey! Arc-en-ciel. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-ciel. Go, girls. Best thing about being feel like a woman. Remember when said when we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad for all the life we've had. And we'll remember when. Remember when. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. You called me Country Willie the night you walked away with the one who promised you a life of joy. You thought my life too simple, and yours was much too gay to spend it living with a country boy. So I'm writing you this letter. I write you every day. I hope that you've received the ones before. But I've heard not one word from you. But every day I pray that you will not forget your country boy. While you're living in the city with riches at your door, is this your love? Is this your kind of joy? Or do you find there's something missing? Does your heart cry out for more? And do you sometimes miss your country boy? A cottage in the country with roses round the door could not compete with flashing city lights. But it's all I have to offer, except for one thing more: a heart so filled with love that it could die. Well, it's time to end this letter. The light of dawn is near. A lonely night, but there'll be more. Just one more thing in closing for all the world to hear. Come home, I love you, signed your country boy.

supone. La ragazza está jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venao, que eso a mí me mortifica. El venao, que no me voten en la esquina. El venao, eso mira a mí me mortifica. El venao. Soy un venao y no es que ellos lo suponen. No haga caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venao, que eso a mí me mortifica. El venao, que no me voten en la esquina. El venao, eso mira a mí me mortifica. El venao, eso no está mujer, ¿oíste? C'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel et on se doit de lui fêter son anniversaire comme il se doit. Pour ça, nous organisons une soirée fado, une noite de fandos, le samedi 30 novembre à 20h à l'espace Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Vanier à Fleury-les-Aubrais. Avec les voix du fado, os vozes do fado, com os fadistas Mathieu Domingues, Lúcia Araújo. Na guitarra portuguesa, Manuel Miranda. Viola de fado, João Filipe. Le début et la fin de la soirée sera animé par le trio Luso Latino. Au menu, apéritif gourmand, bacalhau à rade, fromage, dessert, café. 35€ l'adhérent, 40€ le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arcenciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Le yodeleur dans la montagne s'en allait joyeux. Il était heureux, descendant vers la campagne, pour rejoindre sa belle aux beaux yeux. Sur les sentiers, les oiseaux sifflaient aussi, comme pour l'accompagner, comme pour l'encourager, car aujourd'hui, notre gentil montagnard demandera la main de sa fiancée. Oh, le yodle dans la montagne. Demanda la main de sa bien-aimée, et la belle des alpages répondit: je veux bien t'épouser. Sur les sentiers, les oiseaux sifflaient encore pour applaudir très fort la belle aux cheveux d'or, et tous ensemble ils chantèrent à l'unisson pour reprendre en cœur cette chanson. Donc les 13h37 minutes, voilà, nous sommes le dimanche et aussi voici le retour de l'accordéon. Voilà, donc avant de débuter, bien sûr, continuer l'émission d'accordéon, déjà un petit merci pour Manuel avec l'émission de ce matin entre 8h jusqu'à 10h. Et juste après, Lionel, avec son émission, entre 10h jusqu'à 12h30, et bien sûr, vous allez les retrouver dimanche prochain. Voilà pour nous, sommes ensemble jusqu'à 16h, avec bien sûr l'accordéon, tout simplement. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec le passe-doble suivi juste après par la valse. Bon après-midi à vous tous et à vous toutes.

Arc-en-ciel. C'est le week-end sur Arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et puis on va rester avec la marche et puis toujours dans les M juste après le Madison. We'll be right back. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voici donc la valse et puis le tango. Thank you. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc eh bien la Java, il suffit du cha-cha. C'est dimanche, on se retrouve petit bal. C'est pas pour danser, c'est pas pour braguer. Nous on vient pour boire un coup, siffloter des petits verres, un œil sur les cavalières. Allez mon copain, sors-moi la monnaie. La prochaine c'est toi qui fais. À la tienne, à la mienne. Quand on arrive au comptoir, une tournée, deux tournées, en se racontant des histoires. L'apéro, le whisky, le petit blanc et l'armagnac. À la tienne, à la mienne, trinquons à notre amitié. On est un peu noir, avis de tempête. Quand on fait la fête, on n'est pas des amateurs. On fait marcher les affaires, car on n'a rien d'autre à faire. Encore un petit coup, un dernier petit coup, un dernier petit coup. À la tienne, à la mienne. Quand on arrive au comptoir, une tournée, deux tournées, en se racontant des histoires. L'apéro, le whisky, le petit blanc et l'armagnac. À la mienne, une tournée, deux tournées, l'apéro, le whisky. À la tienne, à la mienne, nous on s'est bien vite collés.

Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voici donc la marche. Ha ha ha! Voici donc le passo suivi tout simplement et bien Boléro et Guinguette. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. À tous les garçons de son âge, cadeau du ciel que de discuter avec elle, avec sa voix qui en s'encèle. Elle est toujours très naturelle, plus belle sur terre que toutes les mers, plus belle que l'été sur le sable doré, plus belle que l'amour de chaque jour, plus belle qu'un soleil, c'est une vraie merveille. Jolie brune et ses yeux verts, et sans doute la plus belle sur terre, qui a une voix qui en sorcelle, c'est un ange, un cadeau du ciel. Au cadeau du ciel, que de discuter avec elle, avec sa voix qui en sorcelle, elle est toujours très naturelle, plus belle sur terre que toutes les mers, plus belle que l'été sur le sable doré, plus belle que l'amour de chaque jour, plus belle qu'un soleil, c'est une vraie merveille. Jolie brune et ses yeux verts, et sans doute la plus belle sur terre, qui a une voix qui en sorcelle, c'est un ange, un cadeau du ciel. Qui a une voix qui en sorcelle, c'est un ange, un cadeau du ciel. c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. We'll be right back. donc du tcha-tcha. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc l'accordéon tout simplement avec la valse et puis juste après romantique. Thank you.

Je n'ai qu'une envie de revoir mon village. Au petit bal, tous mes amis, retrouver mon pays. Quand la route me conduit tout là-bas vers ma terre, l'endroit même où j'ai grandi, au cœur de mon pays. Sous le soleil et dans le vent, qu'il pleuve ou bien qu'il neige, rien ne pourra me retenir. Demain je vais partir, car toi je sais que tu m'attends, les yeux mouillés ma belle. L'histoire elle n'est jamais finie, nous deux c'était écrit. Ce soir je n'ai qu'une envie, de revoir mon village, au petit bal tous mes amis, retrouver mon pays. Quand la route me conduit tout là-bas vers ma terre, l'endroit même où j'ai grandi, au cœur de mon pays. Thank you.

Arc-en-ciel. Voici tout simplement la polka et puis juste après la tarentelle. We'll be right back.

Le début et la fin de sa soirée sera animé par le trio Los Olatines. Au menu, apéritif gourmand, bacalaoarad, fromage, dessert, café. 35 euros l'adhérent, 40 euros le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée phare du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. A partir das 5 da tarde, o Clube K vai defrontar o Avense. Finalmente, no Hockey Patins, depois da tal vitória já hoje consumada do Porto em casa por 3-2 diante do Benfica, temos hoje mais dois encontros da Ronda 7 do Campeonato Nacional. O Hockey de Barcelos vai receber o Valongo e teremos a Oliveirense a defrontar a São Joanense. São, obviamente, jogos para acompanharmos também com os resultados em cima da hora nesta tarde desportiva, que hoje se vai prolongar até às 7h45. Ou até às 8 da noite, caso o Moreirense Futebol Clube do Porto não seja decidido nos 90 minutos. Desporto, Antena 1. Estamos no intervalo do Vila Real 0, Gil Vicente 0 da Taça de Portugal. Daqui a pouco vamos acompanhar mais partidas nesta tarde esportiva, nomeadamente Oliveira do Hospital Sinfãs e Sporting da Covilhã Rebordó.